Yeah, yeah, yo, Resurrect 2002. Yeah, yeah. Comme ma vie rapidement, ma chance de vie, ouais. Manque de confiance, c'est sûrement ça les conséquences. Pour les victimes, la délinquance, mais Dieu sait, dans ce monde, personne n'est à l'abri d'où. J'écris des rhymes pour pas venir fou, crazy. Changer les idées, cœur et me faire abaisser partout. Mon what? Estime, abaisser, estime, ça vient pas me faire chier. C'est que la paix pas autant que mes rhymes, j'pite sur le mic. Autant souvent que j'coiffe sur une dame aujourd'hui. C'est notre tank, fuck la chaîne de vie, parce que une pute. J'recule devant rien, à part les faire beau. J'recule la trop souvent, c'est dans le slow. À ce temps, j'suis soft, c'est sur le mic que j'percute. En battle, j'règle la dispute. Flow sur lui comme une autre. J'fais qu'à 5 potes, partez où j'explose. Des textes explicites, accompagnés de substances illicites. Si ça vient, oh oui, ça réussit. Parce que la vie de cul nous a rien donné. Si on pop les spliffs jusqu'à demain. Mais si nous passe, ça nous mène en chaîne de vie. J'me démène, yo. J'me démène, yo.